Comme des êtres humains à part entière, plutôt comme les têtes de bétail d'un troupeau, qu'au pire on mène à l'abattoir et qu'au mieux on en va paître, voir et brouter là où la bête est plus facile à traire. Aussi, petit agneau qui t'aide encore, ta mère, méfie-toi du bord des eaux troubles où l'on peut voir flotter les narines et le yopac, les gros reptiles à quatre pattes qui te guettent pour te happer. Ok, tout cru, mais en tenaille dans leur mâchoire de crocodile. Oui, t'es du cadeau, serré sous les crocs du crocodile. De plus en plus, de moins en moins concerné par les discours pleins d'astuces et de consensus, les ténors de la tchatche qui nous sucent le cortex par les pores du cerveau. On est de plus en plus gêné au rouage de la machine qui s'emballe et nous entraîne en spirale vers le bas, vers le chaos. Oh, oh, vers le chaos. Aussi, gracieux antilope, charmant facochère, méfiez-vous des violents coups de queue, des caïmans à lunettes, le plus racaille, le plus rocker, le plus hypocrite, le plus égocentrique des crocodiles. Ni drapeau ni médaille, hey! Ni drapeau ni médaille, serré sous les crocs du crocodile. J'ai vu un jour 100 000 enfants serrés dans leurs poings les étendards de l'amour, révoltés et chanter la naissance d'un peuple qui part à la conquête de son esprit de vie. Le vent des espaces nouveaux dansait dans leurs cheveux. Leur voix faisait trembler les murs de Babylone. Comment veux-tu que l'espoir capitule et qu'on retourne après ça? jeter en pâture aux chacals et aux raquins. Cette énergie sauvage, ce pur élan de vie, ce cri de rage. Méfiez-vous des crocodiles. Méfiez-vous des crocodiles. Car pris dans leurs entrailles, pris dans leurs entrailles. Des crocodiles rient dans leurs entrailles. Je donnerai pas cher de ta peau. J'ai mis mes trucs pis mes bourguins. C'est pas carnaval, c'est pas fête. Dis j'y attelé ma belle jument. C'est pas carnaval tout le temps. J'ai dit à ma blonde, c'est pas de valeur, on va y aller. Le pire qui peut nous arriver, c'est d'arriver que c'est commencé. Et puis Québec, c'est à 20 000, ça va nous faire un tour en ville. On ira vraiment manquer, mais là, ce qui paraît, ça va danser la nuit, le jour. Elle a mis son petit chandail blanc. C'est pas carnaval, c'est pas fête. Puis elle a dit à ses parents, c'est pas carnaval tout le temps. La neige était belle et la nuit aussi. Et la nuit aussi, on est parti en nous voyant. Les gens sont dit, on n'est pas près de les rouer ici. On avait décrit dans la face qu'on avait hâte de changer de place. Poignée s'est mis à faire sa trace tout doucement comme un vieux qui connaît l'amour. On a fait le tour par le cinquième rang. C'est pas carnaval, c'est pas fête. Puis pas plus vite que ben doucement. C'est pas carnaval tout le temps. La route était longue. La jument connaissait le chemin, puis comme c'était frais tous les mains, on se disait, petit train va loin. Puis après tout, c'est pas une course, on sortait pas sur la bourdouce, parce que ça frais en petit nounours. Quand on sortait, ben c'était pour se parler d'amour. Oh l'amour. Rendu en ville, demander aux gens, c'est-il carnaval, c'est-il fête, mais c'était fini depuis bien longtemps, c'est pas carnaval tout le temps. Hélène, allons-nous-en, ma petite enfant, on n'aura pas perdu notre temps, on va retourner dans le troisième rang. Hélène a dit les joues toutes roses de camarade, c'est une bien bonne chose, une autre année, si ça se propose, pour être aussi divertissant, on va revenir. Oh, je rendrai ma chique, mes beaux gants, ça sera carnaval, ça sera fête, si j'attellerai ma belle jument, ça sera carnaval. C'est-tu commencé? Oui. Oui, mon original, c'est commencé depuis le temps que l'autre émission avant, c'est-tu. Il y a exactement 15 minutes et 26 secondes. Hey, ça passe vite, surtout quand tu parles pas. Merci, merci, Gaétan. Non, c'est Hélène. Hélène. Il y a un ciel de folie à soir. On prépare désespoir l'émission machiavélique, absurde jusqu'à la moindre réplique. Si vous voulez vous électriser, il suffit de syntoniser une des radios les plus rebelles qui se nomme CKRL. Surtout à cette heure-là. Là. Oh, le jour, c'est autre chose. Elle est à l'harmonie de son public, de son citoyen, de sa citoyenne, de ses auditeurs, de ses auditrices. Mais là, ce soir, cette nuit, c'est là que ça se passe. Waria, j'aimerais vous raconter, surtout vous réciter un poème que j'ai appris lorsque j'étais petit, que j'ai retrouvé la feuille grâce à l'ordinateur. En fait, c'est une feuille cybernétique. Bref, c'est sur un site. Et ça va comme suit. Et le professeur m'a donné, je ne me rappelle plus, admettons un A+. Est-ce que ça existait, les A+, madame May? Oh, il y avait des O, il y avait des B, il y avait des C, il y avait des... Ça aurait été jusqu'à Z. Mais voyons donc, ça c'est les lettres alphabétiques. Ben, c'est ça, ça allait de O à Z. Oh oui, mais les notes, oh les notes. Moi, j'étais pas noté. Non, hein? Comme aujourd'hui, moi, je suis annoté. Oh! Et pianoté. Oh oui, oh oui, oh oui. Je suis l'animateur objet. Alors, voyage objet, mais dans le sens de quelque chose de digital. OK. Oui, c'est beau, c'est beau. Oui, le digital, c'est à la mode, mais ça se brise souvent. Hein? Quand on vient peser sur le bouton, ça part pas souvent, régulièrement. La régularité n'a pas sa place dans l'électronique et surtout dans tout ce qui est d'avant-garde. C'est-à-dire, tu t'en jettes, mon petit champion! Le nouveau modèle, ça vient de sortir, là. Hein? L'ordinateur tout-puissant, créateur du genre humain et de l'argent. Parce qu'ils savent très bien que là, le peuple est plié là-dessus. Aïe, aïe, j'ai mal au dos depuis 3 semaines, je suis plié sur un ordinateur. Ben oui, c'est ça. Tu voulais ce modèle-là? Oui. Alors, c'est la première génération. Mon petit coco, tu t'es fait avoir. Ben voyons, non, regarde-toi, 3 500 $. Ben oui, 3 500 $, première génération. Là, ils vont trouver tous les problèmes techniques, puis ils vont faire une version 2, version auto, version 4. Faut attendre, faut être patient. C'est comme à la pêche. Oh mon Dieu, moi qui suis pêcheur. Non, non, pas cette pêche-là. Ah non, c'est dans l'eau, le lac. Le lac Meech, admettons le lac Meech, hein, y a du poisson là-dedans. Ah, oh, c'est fédéraliste, poivelliste, mélisse, anélisse, la réglisse. La réglisse, ah oh, oui, l'eau est tout à fait noire. C'est un brouillard intense. Puis encore aujourd'hui, on essaye de trouver les poissons. Il y en a, ils ont voté, c'est ces poissons-là, oui. Oui, oui, vous avez raison. Enfin, enveloppez-vous pas, vous. Non, je m'enveloppe pas, je me développe. Oh, regarde-moi ça, les pectoraux. Et un Hulk. Non, fait Tarzan. Et monsieur, c'est un chien qui a la queue pris. Tu commences comme ça, puis tu gradues. Là. C'est comme les ordinateurs version 1. Là. Ça fait... À la fin, ça fait... C'est un loup. C'est un loup de Limoilou. C'est un loup qui a le qui est dans le ragoût. Ah oui, il se fait tourner la sauce. Lui. Ah, bon, heureusement qu'il y a la queue qui monte dans la chaudière, parce que sinon, comment tu pourrais le retracer, ce chien-là qui est dans la chose? Tu prends la queue, tu tournes ça, mais ça perd son poil, c'est merveilleux. Puis là, il me semble que il est bon ton ragoût, mais il y a quelque chose qui... Tout le monde parle de même à la fin. Non, vous ne captez pas les ondes de ces CKRL à 50% de sa puissance, mais c'est que tout le monde a un poil dans la bouche. C'est bon, c'est quoi? Ça donne du chien. Hein? Mais oui, c'est le poil. Ah, mando. J'ai passé à 2 poils de le réussir, ce ragoût-là. Après ça, vous allez avoir une humeur de chien. Oh, vous allez être de mauvais poil. Ça part bien. Hein? Ben ouais, alors, je me ça. Mais là, c'est ça. Ta version numéro 3, numéro 4, là, mon petit numéro 1. Tu vas l'avoir à 3 fois moins cher qu'au moment où tu te l'as acheté. Ah! Garde ton téléphone. Ah, ben oui, c'est vrai, il sonnait pas à l'époque. Ben, la première version, ça sonnait pas, hein? Ça changeait de couleur, mais quand tu l'avais dans la poche, là, pis ça changeait, tu voyais pas que les gens t'appelaient. Après ça, ils se sont dit, hey, les gars, je crois que le public, là, s'est attendu à quelque chose, puis ils l'ont pas eu. Ils ont payé quand même le plein prix, là. Faudrait peut-être mettre une sonnerie à ce téléphone-là. Hey, une sonnerie, c'est une bonne idée! Parce que changer de couleur dans une poche, ça se voit pas! Mais non, ça se voit pas! On n'a même pas mis de vibrato! Oui! On va mettre, oh oui, la voix de Rénal, peut-être! Ah, oh, ça se vendra pas, ça, la voix de Rénal! Ah, oh, l'écho! L'écho de Gélico sur un ciel si bleu, j'en crois pas mes yeux, il veut y tirer lui la queue. Dans la sauce de la goût, vous verrez le poil et son genou. C'est pas... Non, mais écoute, c'est du genre de porc, ça, là. Que nous avons cueilli en bateau de port en port, de Tombouctou au Népal, du Sri Lanka au Zimbabwe, de la Chine népalaise à la Chine bordelaise. Eh, monsieur, j'ai jamais entendu ça, la Chine bordelaise? Mais non. On veut pas mêler les gens en géographie. Ils sont tellement assez minables de trouver deux coins de rue. On leur dit, écoutez, monsieur, là, vous venez ici prendre un renseignement. Oui. Moi, je vous dis, vous continuez tout droit. J'ai pas dit vous continuez par en arrière, là. Vous continuez tout droit. Troisième feu à gauche. Pas compliqué, la gauche. Pour moi, il y a juste une gauche, là. C'est la gauche que je vous montre, celle-là. C'est une gauche radiophonique. Ah oui! Ben, c'est ça! Alors, vous tournez troisième feu à gauche. Et c'est l'édifice qui est juste là devant vous. Ah, mon Dieu. Celle qui illumine. C'est écrit Carnaval de Québec. Ça scintille. Vous allez voir un bonhomme carnaval qui bouge d'une manière mécanique. C'est pas le vrai à l'intérieur, là. Ils ont mis un moteur. Il y a le moteur à terre, il fait juste des bye-bye, bye-bye, bye-bye. Mais il n'y a pas le son, là. Moi, je le fais parce que c'est pour nos auditeurs, là. Mais si vous allez le voir, le bonhomme, les enfants vont crier, hey, papa, le petit carnaval. Là, continue pas tout droit, les enfants vous le disent. Insignifiant. Là, vous abandonnez la bière que vous avez entre les deux jambes. Vous mettez, si vous êtes manuel, êtes-vous manuel? Oh, oui, c'est ma femme qui est manuelle. Bon, bravo, manuel. Non, moi, c'est Emmanuel. Emmanuel. Ah, mon Dieu. Faut-il avoir le manuel pour comprendre ça? C'est une blague. On vous l'a déjà fait à l'école primaire. Vous avez tué... Oh, deux étudiantes. Ah, voulez-vous me tuer? Je suis déjà mort. Alors, le voyage d'Ernest Perrochon, ça, c'est le poème que j'ai lu lorsque j'étais enfant. Alors, il y a de ça quelques jours. Ah, je n'ai pas gradué depuis, au niveau mental, je veux dire. Je suis resté au sous-sol de mon incompréhension, au sous-sol de mon ignorance. Pour ça, je suis underground. Je suis en dessous de la... Non, j'ai dit en dessous. J'ai pas dit sous. En dessous. La neige, la glace, là, oui, c'est ça, la guédille. Là, même. Alors, voyage d'Ernest Perrochon. Ça, quand je fais, ça veut dire que je m'introduis le texte. Mais par où? Ben, en fait, je l'expulse par la bouche. Tu l'as introduit par où? Par la tête. Ah, mon Dieu, c'est à lobotomie? Ben oui. Je rentre du papier là-dedans, là, puis c'est comme un piano mélanique. Ce sont les pianos mélaniques que vous avez remplacés par les feuilles à musique. Qui pour le coup vous dit le goût sur le goût de Hey, Rosaire, c'est-tu commencé? Oui! Voyage d'Ernest Perrochon. Je voudrais faire des voyages, aller très vite, aller très loin. Je voudrais voir tous les rivages des mers que je ne connais point. Mais je n'ai qu'une patinette. Non, c'est une trottinette. Ça, c'est la version française. En version québécoise, c'est pas ça. Mais je n'ai qu'une trottinette et un petit cheval de bois. Le cheval à mauvaise tête, la trottinette fuit sous moi. Si j'avais une bicyclette, j'irais dès le soleil levant, par les routes blanches et nettes, j'irais plus vite que le vent. Si j'avais une automobile, je roulerais au clair matin, je roulerais de ville en ville jusqu'aux murailles de Pékin. Ça ressemble à du Clémence Desrochers. Clémence, celle qui dit... attendez un petit peu, oui, c'est la même, effectivement, madame, oui, Gaëtan, je vais la redire. Ben oui, je veux. Arrêtez de crier, vous, là. La femme, avez-vous entendu? Avez-vous capté tout ça? Appelez la police, madame. Appelez, embarquez-le. Toujours en train de dire, qu'est-ce que tu connais là-dedans? C'est qui est devant le micro, là? Un espèce d'un... Un crétin. Un imbécile. C'est, en résumé, Rénal Gagné. C'est moi. Hein? OK, je dois pleurer. Là, j'ai jamais été bon acteur pour pleurer. Mais pour rire. Ha, ah, ha, ah, ha, ah, ha, ha. Le Père Noël, c'est moi, ça. Madame Carnaval. Non, on peut pas, on n'a pas de bouteille vide. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, Mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rinaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rinaldienne. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre identité, entité. Eh oh, entité, identité. Qui a titité? Oh, tu veux une clémence, OK, une clémence, oui! Le coton flotte en boule blanche et vient de se coller aux cheveux. Dans un temps humide et frileux, une forte odeur d'huile entre. Fidèle aux jours qui vont et passent, comme hier, aujourd'hui repasse, de l'usine à la messe basse, la grande maigre et la courte grasse. Elles sont habillées de noir de la boîte à lunch au chapeau. Leurs pas de leur tronc long manteau remuent le sable des trottoirs. Elles s'en vont, elles reviennent. Deux ombres noires sur fond gris me font image de leur vie. Que dirait-elle de la mienne? Je suis venu au monde seul. La version Barbara. Comme tout le monde. C'est comme Barbara chantait. Hein? C'est comme si. Mais non, c'est Clémence. Oui, mais oh, la version de Barbara. Là, mets dans ta tête que c'est Barbara. C'est pas Barbara, c'est Clémence. Mais t'as ma main, moi, viens, viens, viens. L'absurde aventure. Je suis vraiment seul comme tout le monde. On dirait Barbara. C'est seul que je continue ma vie. Je ne veux pas, je pourrais répondre. C'est même moi qui appelle le bruit. Hé, monsieur, hein? Dans le journal. Une mort en direct. L'asthme l'a emporté. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier rénal de gagner. Aujourd'hui, le vendredi 8 février 2013, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée des valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la comédienne Aline Stinus. Aline Stinus débute sa formation théâtrale aux ateliers du théâtre Jeune Public de Strasbourg. Et hey, puis... c'est-tu commencé? Ben là, le monsieur est en train de lire un beau texte, là. Je crois que c'est de Félix Boisclair. Non, non, c'est de Rémuachny. Rémuachny? Le russe Rémuachny? Non, non, c'est l'intellectuel. Ben, ça peut être un russe puis un intellectuel. Ouais, c'est vrai. L'intellectuelesse non-russe. Oh, un non-russe. Non-russe et bouscouseuse. Non, c'est motus. Ben non, moi, c'est nosus. Mosus, causus. Sous la causeuse, il y a causus. Deux perles grises sur fond noir, deux images noires sur le gris. Que s'imagine-t-il? Que voit-elle? Que de rebelles, que de décibels, sous de tendres réalités. Trois petites virgules et puis s'en vont. Deux notes et demie. Et puis... J'en demande plus encore. OK, merci. Ah, là, ça, c'est beau, ça. Merci, ça, c'est de la composition électronique. Non, c'est pas l'écriture automatique, ça. Automatique? Oh, le vent du nord. Attendez un petit peu. Il y a des gens qui ouvrent des portes, ça fait ouvrir une autre porte. Ça, c'est merveilleux. Bon, en direct. Alors, Nationaux est égal à deux. Strasbourg, puis en parallèle, ses études universitaires en histoire de l'art et d'archéologie. Elle participe à une série de stages au sein de plusieurs centres dramatiques nationaux avant d'intégrer l'École internationale de théâtre Jacques Lecoq à Paris. Au théâtre, elle a notamment travaillé sous la direction de Michel Massé. Nous avons un Michel Massé aussi au Québec en art télévisuel, je crois. La télévision, est-ce un art? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a quelques intellectuels qui pourraient se pencher là-dessus? Aïe, aïe! Bon, encore. Ça fait mal au dos! Oui. Pour nous, la télévision est plus qu'intellectuelle. On voit qu'il écoute la télévision, il sait plus quoi dire. Alors, elle a également collaboré avec Alex Lutz, Ottavia Casagrande, Richard Demarcy et au cinéma avec, entre autres, David Charon, Xavier Giannoli, parce qu'on dit Giannoli, Thomas Guillou et Costa Gavras. Son parcours s'effectue à travers des projets théâtraux. Actuellement, elle adapte librement un texte pour la scène dont le titre est provisoire est Supinline. Tu l'as pas. Au suivant, quand tous les suivants du monde pourraient se tenir la main. Au suivant, je ne lis pas. Au suivant, non, c'est pas ça. Madame, c'est pas ça, c'est Supine Marilyn pour Marilyn Monroe. La connaissez-vous, Marilyn Monroe? C'est pas la belle blonde? C'est la belle blonde. Mais à l'origine, elle a les cheveux noirs. Elle avait les cheveux noirs. Aujourd'hui, elle a plus de cheveux. Excusez-moi, que Dieu ait son âme. Et qu'il lâche la mienne. Ensuite de ça, donc, Superline sur les derniers mois de la vie de Marilyn Monroe. En juillet. Cette branche clinique, neuro-psychiatrique. Oui. À force de patience et d'inaction, j'ai pu dresser un hanneton. Hanneton. C'est Amélie Hanneton. Amélie Hanneton. Hanneton, mais attends, chut. L'Hanneton est juste là. Regarde les oreilles. Hanneton. C'est quoi ce papage-là? C'est pas un papage. C'est l'appel du Hanneton. Ben voyons donc, on dirait que tu chiques de la gomme en version accélérée. Non, non, arrête-toi. Fais-moi partir le Hanneton. Je vais faire il y a la taille qui va te partir. Je suis juste là à côté de nous. Je vois pas d'Hanneton, toi. Ah oui, Hanneton. Dans cette branche clinique, neuro-psychiatrique, à force de patience et d'inaction, j'ai pu dresser un Hanneton. Monsieur Tremblay, bougez pas. Le Hanneton va traverser la rue. Le Hanneton n'a qu'une seule visée. Continuez. Est-ce que, là, les gens se posent des questions, est-ce que le hanneton est plus intelligent qu'un poisson rouge? Et je dis oui! Puisqu'il sort de l'eau, donc il n'a pas de branchies, c'est pas intelligent, c'est très intelligent. Deuxièmement, il a deux pattes. Mais c'est pas plus intelligent qu'un chimpanzé. Parce qu'un chimpanzé peut prendre ses mains pour manger, tandis que le hanneton est obligé de piquer avec son bec. Donc, c'est moins intelligent. Alors là, vous allez dire comment tu entrevois l'intelligence, mon petit crotté. Bien, le petit crotté voit l'intelligence comme suit. Plus il y a de complexité à effectuer quelque chose, plus il est avancé. Un chat est moins intelligent qu'un singe, oui. Un chien est moins intelligent qu'un singe. Un singe est plus intelligent que moi. Ah, bravo. Actuellement, oui, en juillet 2012, mais ça, on savait que le singe, quoi, qu'il est plus beau que toi. Je sais! Il se rase pas, lui. Moi, j'essaie de toucher plein de sang. Je ressemble à The French and Spain, Shane and Sling, En juillet 2012, Laurence Renédienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette dame de la chanson. Pas de la chanson, c'est de l'art dramatique! J'ai encore Barbara dans les oreilles. Barbara. Dans cette branche clinique, neuro-psychiatrique, à force de patience et d'inaction, j'ai pu dresser un hanneton. A real dog! Thank you. you know. No goddamn two-bit top 50 dog. C'est une langue morte. Oui, c'est, oui. Comme la mer morte. C'est vrai, oui, c'est triste. Mais oui, on revient à l'eau, la première question. Si tu étais une époque. Mais la mer ici devant moi est bien vivante. Hein. Pardon? Je disais, et la mer devant moi est bien vivante. Tu parlais de mer morte, mais la mer devant moi est bien vivante. Oui. J'essaie de ne pas être nostalgique, tu sais, parce que je me. Ça m'agace de rencontrer des gens qui ont tendance toujours à, d'une part, à se plaindre ou à leur dire « Ah, c'était mieux avant », etc. Et tout. Donc je me dis, à chaque époque, voilà, il y a des choses extraordinaires et puis bon, il faut composer avec ce qui est moins intéressant. Mais le siècle des Lumières, ça devait être pas mal. Parce qu'au niveau des femmes aussi, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, à cette époque-là, il y a eu aussi une grande avancée des femmes. Après, il y a eu un espèce de flottement, pareil. Mais voilà, les femmes avaient voix au chapitre, les femmes étaient invitées dans les salons, les femmes n'étaient pas considérées comme des mères nourricières. Ouais. Je dirais le siècle, pourquoi pas le siècle des Lumières, ça nous renvoie bien loin aussi. J'aurais pu te dire, ah oui, les années 70, oui, mais oui, c'est là. Ben oui, ben oui. Mais je t'ai dit, bon, j'ai pas envie de tomber dans la nostalgie, donc. Oui, le siècle des Lumières, pourquoi pas. Si tu étais un mot, on va aller au cinéma pour regarder un film. Jeu. C'est pas ça comme ça, mais okay. Oui, le jeu de la vie, le jeu de la scène, le jeu avec les enfants, le jeu ludique. Le jeu. Si tu étais un aliment. La carotte. Pour le bonhomme de neige et le nez. La carotte pour la couleur, pour ce que ça apporte comme vitamine. Tu sais qu'on dit qu'il faut, pour être aimable, il faut manger beaucoup de carottes. Moi, ma mère m'en faisait tellement quand j'étais bébé que j'étais devenue orange. Oui, ça se peut. Oui. Donc la carotte, voilà. Si tu étais, c'est la première fois que l'on dit carotte. Alors allons-y pour carotte. Bah des fois avec les. Il faut des fois pour répondre spontanément aussi. Oui, et toi c'est la carotte. Voilà. Si tu étais. Là, tu viens, si tu étais une saison. L'automne. Ah, mange encore des carottes. On en mange tout le temps. Les carottes, c'est un peu la base, non? Ok. Non, mais à un moment donné, l'enfance aurait pu te faire. mal digéré la carotte aujourd'hui. Ah non, mais j'en, non, j'en mange toujours. Bah, j'en donne principalement plus aux enfants, plus aux enfants. La maman va juste en, en prendre une pour la beauté de la chose. Mais l'automne, ouais. Et va l'acheter après. Non, non. Si tu étais un membre... Non, il faut respecter la carotte. Ouais, ça, bah oui. Si tu étais un carottez-vous. Membre... Pardon? Carottez-vous. Carottez-vous, oui. Il faut être carotté dans la vie aussi. If I came into your city, hung up on a game, would you give me your assistance? Though you didn't know my name, though you didn't know my name, though you didn't know my pain, would you give me your assistance? Though you didn't know my name. Sur Dagobert, était son manager. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. La vérité sur la palisse, quand c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque, a-t-il été déclaré au fisc? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. Savoir pourquoi Napoléon mettait la main dans son giron. On nous cache tout, on nous dit rien. L'affaire Truculger, l'affaire Machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache caché, cache tampon. Quand la Maillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information. On nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Hey, Rosaire, c'est-tu commencé? Non. Oh non, ils ont dit que l'émission allait être portée. Comment ça? Voyons donc, toi, je suis là depuis le début. Et puis? Et puis, c'est ça. C'est ça quoi? On sait pas quoi. On verra quoi. Oui. Tu t'es emporté? Oui, j'ai pesé sur la pitoune. Ah, mon dos. Balzac de schnout. Tout tourne autour de la pitoune à cause de Balzac, hein? On le vit! Dans ce monde contemporain, cet auteur, Gonoré de Balzac. Et les pitounes ne seraient pas aussi pitounes. Il n'y en aurait plus aucune pour cacher les chiffres du bingo. Ah oui, comment ça? Ben, il faut des pitounes pour le bingo. Ah, des jetons. Ben, des jetons, des pitounes, c'est un synonyme. Ah, oh, mais moi... J'ai 21, non, j'ai... Attention, vous là. Bingo! Oui! J'ai des... Bingo! Ben ouais, attendez, j'ai déjà de la... Calme-toi, ma petite Gertrude! T'as même pas de carte encore, va t'en chercher deux! En passant, ajoute-moi une eau minérale. S'il vous plaît. Minéral, mais dans le sens de minéral, là, avec de la mine et puis beaucoup de régal. Minéral, oh mon dieu. L'artiste est un joueur qui se réserise. Mais quelquefois aussi, anarise. Au milieu de toute sa reine, on capte pas tout le son, hein? Mais non, c'est le décodeur qui a eu un problème technique. On recommence, on y va. L'artiste est un joueur qui se réserve sa plus grosse mise pour ses écrits. Anaïs Nin, extrait de son journal 1934-1939. Et là, je me pose la question en lisant la date, en zieutant tout ça. Où étais-je en 1939? Et où étais-je en 1934? Moi, en 1934, mon cher monsieur, oui, j'étais au front. Au front, parce que je peux pas dire ça. Ben oui, allez-y. J'étais au front. Ben oui, pour. Ben pour affronter. Affronter qui? Les affronts. De qui? Des polissons. Qui cherchaient à envahir. Envahir quoi? Ma vie. Oh. Là, ici, maintenant, c'est pas un petit côté maladie, hein, c'est pas... Oui, c'est ça. OK, merci. Avez-vous été? Ah, moi, à chaque semaine. Oh, on vous... Ben oui, à chaque semaine. Et puis, ah, ça va très bien. Merci. J'espère 1934. Vous avez quel âge? J'ai l'âge de ma jeunesse. Oh, mon Dieu. Hey, c'est beau, ça. J'ai l'âge de ma jeunesse. Ah! Oh, bravo, monsieur. Merci beaucoup. Bravo. Bravo pour votre émission. Oh, c'était comme une... Hein, je vous rentrais là-dedans. Ben oui, je vais m'en sortir, j'espère. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, il dit qu'il voudrait bien sortir de là, puis que... Pique. C'est quoi, t'es crampé? Oui, c'est j'ai un problème de pique. Là, je ris. Pique. T'as un nouveau rire? Ben oui, pique. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Là, je sais, les gens vont dire c'est la même phrase qu'il y a quelques semaines. Peu importe la phrase, l'improvisation ne sera pas la même. Je masquerai tous les ombres, je chercherai l'étrange, si vous me le demandez. J'aime bien faire rire de moi, c'est pourquoi je fais cela. Et vous me le demandez, si un jour la vie t'arrache à moi. Ça c'est quoi? C'est la peau qui déchire. Ah, qui s'arrache. Ah oui. Heureusement, on aurait dit un postillon, mais non. Si mon corps s'enfuit entre mes doigts. Yeah! C'est dégueulasse, cette chanson-là. Peu m'importe les problèmes. On peut pas dire... Parce que sinon, ils vont couper. Ah, tu peux pas dire... Non. Parce qu'au Québec, un professeur s'est dit qu'on pouvait pas dire ceux qui savent. Oh oui, oh, c'est le Rénal réuni. Tiens, il se prend pour. Ben oui. Chante Rénal. Oh, arrête de chanter. La la la la la. Oh mon dieu. Chante. J'ai les oreilles qui bourdonnent. J'ai les yeux qui cochonnent. Et j'ai mon cochonnet qui bourdonne. Ah, tout bourdonne, tout cochonne, oui. Là, ici, maintenant, les gens savent que c'est Bukowski, alors ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraits de son recueil Contes et Nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Ceux qui savent, mais c'est épouvantable qu'on peut même pas dire. Gainsbourg réuni. Oh, c'est bon, ça. Bachong réuni. Gainsbourg réuni. Bourville réuni. Guy des proches réuni. Ceux qui s'aiment. C'est bon, ça. Ben oui, c'est accepté. Oh, au premier degré, troisième dan. Oui, on y va là-dedans, c'est tout à fait exemplaire, monsieur. Ah, non, non. Comment ça, non, non? Faites partie de la censure, vous? Ah, non, non. Bon, pourquoi vous vous mêlez de ça, là? Quelle est votre mission, vous? Ah, non, non. Vous n'en avez pas de mission? Ah, non, non. Bon. En fait, vous êtes le critique par excellence. Ah, non, non. Vous êtes un négationniste. Ah, non, non. Vous cherchez la bébite noire? Ah, non, non. Vous êtes une grenouille étrange? Ah, non, non. À vous entendre, vous, là, vous êtes pas heureux. Ah, non, non. Ça, c'est, on voit ça. On entend ça, hein? On peut pas dire autre chose là-dessus, là. Il fait pitié, lui, là. Monsieur, vous nous écoutez depuis le début? Ah, non, non. Bon. Vous nous avez capté comme ça en passant? Ah, non, non. Non? Pourquoi vous dites comme ça qu'on doit pas divulguer l'au-delà, l'être suprême inventé par nos hommes? Ah, non, non. Non, non, quoi? Pourquoi on peut pas le dire? Vous êtes... Ah, non, non. OK, vous vous sentez gêné là-dedans? Ah, non, non. Hey, on l'a, l'étudiant. Hein? Moi, peut-être. Vous êtes pas de consensus, vous? Moi, peut-être. Bon, vous changez de note, hein? Moi, peut-être. Bon. De non-non à peut-être, c'est pas si mal? Moi, peut-être. Je suis sûr que vous allez virer au oui, vous. Ouais. Ah! Ça va mieux? Ouais. Êtes-vous heureux? Ouais. Vous nous écoutez, là? Ouais. Vous nous entendez? Ouais. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé depuis le début? Alors, la phrase de Pekowski. Le toubib m'a fait une triple prise de sang. Oui, parce que moi, j'ai pas de veine. Moi, j'ai une veine fuyante. J'ai un bras fuyant. J'ai un corps qui s'enfuit à toutes jambes. Même si j'en ai juste une, parce que l'autre, je me suis fait... Je me l'ai... Oui. Mon seul pied perdu, pas d'accident. C'est comme ça que je suis devenu chantant. Oh, oui, oui. Ben oui, je fais ma carrière. J'ai dit, les gens vont voir que j'ai une jambe en bois. Ils vont dire, il y a du talent, il y a du talent malgré tout. Ben oui, j'ai du talent, là. Ça s'additionne pas au manque, ça, là. On l'a ou on l'a pas. Lui, c'est ça. Il vient de dire Qu'est-ce que tu veux dire par i? Ben, c'est de l'interprétation, là. C'est trois points de suspension, tu le vois pas. Je ne le vois pas. Ben, le signe. Tu ne les sens pas? Moi, j'ai trois points au niveau du dos. C'est parce que mon infirmière m'a dit, t'as des fins, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, avant que l'autre m'introduise une autre phrase. Introduisez même pas l'aiguille dans la phrase, toi, là, parce que vous allez en retirer des choses que vous allez regretter. Il y a du venin là-dedans, dans les mots, là. Exemple, dans agression, il y a du gros venin qui est pas gentil. Il y a du gros venin qui veut créer la zizanie. Il y a du venin qui vient d'ailleurs. Puis c'est ailleurs là, ben c'est en haut. En haut, ben c'est pas ici, là, c'est évacué. Ah mon Dieu, c'est Spirit on the Sea. Hein, qu'est-ce que tu veux dire? Spirit on the Sea, je comprends pas ça, moi. Spirit. Ben oui, c'est Lily. Je connais pas, moi. Est-ce qu'il m'a déjà invité à une soirée partise? Mais voyons. Tu veux. À chaque fois qu'on nomme des gens que tu connais pas, tu t'imagines qu'il y a des soirées partise? Ah, ben pourquoi pas? Je fais partie des médias, moi, là. J'espère que tout le monde m'invite à leur petite. Ben voyons, donc t'es pas invitable. Ben, ça, c'est vrai. Puis même si on t'invite, tu vas dire non. Oh non, je vais dire oui. Pour être là? Non, pour me faire attendre. Là, les gens vont dire, il est 2h du matin, il n'est pas encore arrivé, lui. Ah, c'est vrai, il fait de la radio. C'est un gars de radio. Il est nocturne. Il va peut-être se pointer à 5h du matin, quand tout le monde va être couché à terre, à moitié nu. Il va abuser de nous. C'est un malade. Ben, ils connaissent, hein? Ben, c'est vrai. Bravo! Vous avez un flair de lynx? Non, c'est pas ça, c'est un œil de lynx. Oui, mais un flair de... celui qui sent bien dans les animaux. Ben moi, je dirais mon frère, lui. Ah, il sent bien. C'est pas un animal? Ben oui, c'est un humain. Un humain, c'est un animal. Lui, il sent tout venir, lui. Là, il dit... Il semble que... Je sens la pluie qui va arriver. Là, effectivement, 15 minutes après, la pluie arrive. Mais là, au mois de février, c'est pas ça, il me dit. Il semble que... Je sens qu'on va se péter la gueule. J'ouvre la porte. Il y avait de la glace noire. Pas de la glace rouge, de la glace verte, de la glace noire. Qu'est-ce que ça veut dire, de la glace noire? Mais en fait, c'est une hypocrite, celle-là. Là. Ça, là, c'est comme quelques personnes, on les nommera pas, là, qui ont l'air de rien. Tu sais, tu les rencontres. Bonjour, Renal, comment ça va? Bonjour. Tu les embrasses, tes French, tes... Hein? Enfin, tes mains... parcourent leur sentier secret. Là, après ça, ils disent, ouais, après ça, tu sais, quand t'es plus là, ouais, lui, là, bah, pas grand-chose. Ah, bon, c'est à moi qui ai rien. Bon, je fais pitié, hein, fait que on en prend soin, mais sinon, là, il pourrait bien se faire voir ailleurs. Mais, hey, quand tu la vois, c'est pas ça qu'elle dit, là. Au départ, tu dis, hey, ouais, elle est accrochée. Elle ne veut que moi. Puis là, le zzz descend tranquillement. C'est ça, la glace noire. C'est hypocrite. En fait, ça veut dire, comme le chantait Nougaro, pile sur moi. Là, tu tombes par terre. Pouf! Tu dis, aïe donc! Je l'avais pas vu, là, c'est quoi? Mais c'est ça, c'est la glace noire. Ça ressemble à l'asphalte. 1984, dans 1930, écrit par George Orwell en 1948, le roman 1984, on comprend absolument rien, mais George Orwell, romancier, auteur, a écrit 1984. Oui, le livre, le titre du livre. Mais il l'a rédigé en 1948. Il a viré. Oh mon Dieu, il est devenu homosexuel. Mais non, il a viré le chiffre de bord. Oh mon Dieu, OK. Alors, c'est comme ça, 1984. Puis là, il dit dans son texte, page 63, ça ressemble à de la viande. Ça a la couleur de la viande. Ça goûte la viande, mais ce n'est pas de la viande. Même chose pour la glace noire. Ça ressemble à du trottoir. Ça goûte le trottoir, le pape me l'a dit. Oh, le pape, quand il l'a embrassé, attendez, il y a le coup de langue. Ah, oh, c'est du trottoir, ça. Ah, oh, c'est du bon trottoir, ça s'est fait à Québec. C'est le maire. Ah, oh, c'est un bon maire qui a fait ça. Ah, il a investi beaucoup d'argent. Hey, je vais rester là à frencher là. Ça me tente de rester couché sur le sol. Ben, monsieur papa, réveillez-vous, levez-vous. Ils l'ont décollé, trois corps d'armée. Le 23e régiment était là. La grosse trompette, le chien, donc c'était la chèvre. La chèvre était là. Ça fait ça une chèvre? Ben oui, dans mon histoire, ça fait ça une chèvre. Là, le pape, ils l'ont levé. Ils l'ont embarqué dans la pape mobile. Ils l'ont envoyé au château Frontenac. Là, il dit, French ton lit, il French le lit. Ah, c'est French tout le monde. Ah, ben oui. Et puis là, à un moment donné, la glace noire, c'est ça. Ça ressemble pas à ça. Mais quand tu mets le pied dessus, ça t'envoie au 7e ciel. Jalouse, jalouse de fleurs et du vent, des danses andalouses, des goélands. Jalouse, jalouse comme les enfants de ceux qui me prennent ton corps un instant. Cet oiseau de passage qui chante et qui est sourd vient les soirs d'orage pour te parler d'amour, se brillant dans tes yeux. Ces filles dont les feux ne brûlent qu'à l'alcool. Jalouse, jalouse de fleurs et du vent, des danses andalouses et des goélands. Jalouse, jalouse comme les enfants de ceux qui me prennent ton corps un instant. Les parfums de l'été que tu cherches dans la rue, comme un refrain perdu carmin sur de lèvres gourmandes, quand les miennes ne commandent que des baisers copains, les regards amoureux de tes vieilles idylles, quand elles mendient tes yeux d'un battement de cils, la foule qui n'a pas vu que tu tenais ma main et qui me met à nu quand elle t'emporte au loin. Jalouse, jalouse de fleurs et du vent, des danses andalouses et des goélands. Ben, ensemble. C'est bien, hein? Toujours pour le côté maternel, le nourricier, érotique. Ben, c'est... Oui, il y a tout... Il y a pas mal de choses regroupées. C'est une sphère, c'est quelque chose qui ressemble aussi... à la terre, effectivement, il y a l'aspect nourricier, comme tu dis. Alors, chez Beckett, je ne sais pas si tu vois le personnage de Winnie, qui se retrouve comme ça, dans une espèce de colline qui ressemble à un mamelon. D'ailleurs, Beckett écrit mamelon. Oui. Lesquels quoi? Bah, les seins, lesquels, les tiens, ou celles des autres, lesquels? Ah, bah, tu me dis une partie du corps. Okay. Bon, excuse-moi. En général, en général. Les seins en général. Ah, bah, je connais pas. Enfin, je connais certains seins célèbres, mais cacher ce sein que je ne saurais voir. Non, il y a le fameux tableau, je me souviens plus, École de Fontainebleau, où tu as deux demoiselles. Oui. Avec, il y en a une qui porte une bague, une histoire de. C'est des fiancés. Oui, qui se pincent le bout de sein. Ouais, voilà, moi je pense à ce tableau. C'est bon, c'est bon. Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée. C'est sûr qu'avec des enfants, tout est relativisé. Ouais, j'en dirais plus tendance à te dire. Un moment de la journée, hein. C'est journée, hein. Mm-hmm. La journée, ça englobe la journée au complet. Ouais, ben, je vais te dire le matin, le réveil alors. Ok, et qui est très tôt avec des enfants? Non, ça va. 7 heures? Ouais, non, ça va, mais en fait, j'aime bien, le matin, c'est pas moi qui m'occupe des enfants. Non, une fan de théâtre. Mais donc, c'est un moment où, voilà, je sais que ma journée va se dérouler, va commencer, mais je prends un moment pour moi. Pour te ressourcer, ah, voilà. Pour lire, pour faire tout ce que j'ai envie d'écouter, la radio, principalement. Écoutes beaucoup la radio? Ouais. France Inter? Ouais, France Culture aussi. France Culture, ok. Si tu étais un moment de la journée, pourquoi tu ris? Tu me l'as déjà posé? Tu viens de me la poser? Ah oui, c'est vrai. Si tu étais... Ben, si tu, parce que j'étais sur France Inter. Si, je vais changer de station. Si tu étais un autre individu... Eh ben, j'aimerais bien essayer d'être un homme, hein, pour voir ce que ça fait. Ok. Qu'est-ce que tu ferais que d'autres n'ont pas encore fait? En tant qu'homme? Oui. La moto? Oh, c'est ton petit côté Johnny Hallyday. Ok, c'est la moto. Si, comme Edith Piaf, on n'a jamais fait, mais elle s'est vue en faire de la moto. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Bah oui. Oui? Bah oui. Dans les mêmes sillons, la même... Ah ben oui, là je... C'est maintenant que je prends conscience de tout ce qui m'a amené là, bien sûr, oui. Oui, oui, absolument. Ah oui, sûr. Et la question que j'aurais pu te poser au début, et je peux m'attendre peut-être à... je sais que tes parents t'ont appelé Céline. Non, qu'est-ce que... Non, Aline, ok? Aline, est-ce que c'est pour la chanson? Non. C'est parce que... Parce que je pensais à Céline Dion, excuse-moi. Là, j'essaye de chasser. Oui, ah bon? Quelle horreur, oui. Non, ben non, pourquoi? Oui, elle a eu des jumeaux aussi, oui, ça. Oui, mais c'est douteux. On ne sait pas d'où ça provient, donc ça doit être des spermes extraterrestres. Dans un tourbillon carillonnant, plein de promesses en confettis et cotillons, alors que tout autour de moi semblait vibrer, tourbillonner dans des éclats de rire gras, mes lèvres se sont desséchées. Je les avais brûlées pour toi, fardées de rouge et puis d'étoiles amassées, cachées sous mon voile à l'aube, en te croyant roi. Mes lèvres sont mortes à minuit. Mes lèvres sont mortes d'ivresse, embrasées dans un tourbillon carillonnant, plein de promesses en confettis et cotillons. Bien sûr, tu m'avais prévenu, venant auprès de moi, que toi, tu ne te mettrais pas à nu, que

Revolution Tour. Et c'est terminé? Oh, merci. Comme le... Mais voyons donc, fallait me le dire. Ben oui, mais coupez, coupez! On continue. C'est comme ça? Non, vas-y. Merci. On y... Ah, c'est comme ça? Ah oui? Allô? Oh, et monsieur, allô, c'est... j'ai pris un électrochoc, là. Et mais... Vas-y. Plus tranquille. Lentement, s'il vous plaît. Vas-y. Ah, si tu veux gagner ton pari, vas-y. Vas-y. Si tu veux gagner ton pari, faut que ça pleure, faut que ça rie. La vie a mis tous ses atouts, mais elle attendra au détour. Si tu n'as pas assez d'amour. Je l'ai déjà fait, je le sais. La mort, c'est une scène après le show. Quand derrière ton dernier rideau, tu restes seul dans le silence, en espérant une autre chance, mais la scène ne connaît pas ça. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rinaldienne, là, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Si vous êtes des fumeurs, des fumeuses, au Québec, vous avez lu sur votre petit paquet de cigarettes, la fumée du tabac contient du cyanure. Hey, du cyanure. Ouais. C'est du cyanure? Oui, c'est du cyanure. Hey, imaginez-vous si vous prenez deux gouttes de cyanure. J'ai essayé. Quoi, de prendre du cyanure? Ben oui, j'ai essayé d'acheter du cyanure. Et puis, ben ils m'ont dit, ça fonctionne pas, monsieur. Achetez-vous des paquets de cigarettes. Alors, ça contient du cyanure. De l'hydrogène. Moi, je suis très pauvre, moi, là. J'ai une hygiène numéro un. Non, non, l'hydrogène, c'est pas l'hygiène. C'est, là, du gaz toxique. Est-ce que l'Errance Rinaldienne contient du gaz toxique? Non. C'est de l'audio toxique. De l'audio toxique, hein, Mando? Comme on connaît un être à travers son œuvre, on a un pas, la main, la toile, la tire, la toile, sur la, les salles, là. Vraiment, hein? Non, c'est pas une chanson qu'on veut faire, là. C'est une citation de Madame Nin. C'est pas Nanny Chnin? Non. Oh, c'est peut-être la fille de Nanny Chnin. C'est Anaïs Nin. C'est qui, Nanny Chnin? Hey, c'est pas Nanny Chnin, c'est Anaïs Nin. L'amoureuse, l'égérie, la douce aimée de M. Henri Miller. Ah, ben voilà, c'est pas n'importe qui. Anaïs Nin, ben non. C'est qui Henri Miller? Eh, hey, voyons donc. Henri Miller, l'auteur du Tropique du Cancer, Tropique du Capricorne, Plexus Sexus. Anus, c'est-tu lui? Non, lui, c'est. Non, c'est le médecin. Ah, Anus, c'est le médecin, oui. Anus, c'est le médecin. Là, c'est pas Martine chez l'Anus. Ah, ben, enfin, voyons, là, je suis tout mêlé, moi. Quand on connaît un être à travers son œuvre, on a l'impression qu'il vivra éternellement. C'est beau, ça. Je suis sûr qu'elle a lu son mari à travers les lignes de sa jouissance créatrice et intellectuelle, et peut-être même charnelle. Et c'est rapidement accaparé, cette phrase. Ça lui est arrivé dans l'eau de Cels, puis any chance, baby, comme Gainsbourg. Oui. Cette semaine, et ça jusqu'à épuisement du concept, nous mangerons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons à bras d'un mot celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « bloc ». Et moi, on me bloque régulièrement dans mes pensées. On me place des murs. On me place un frein, un boulet. Pour être plus lent, comme la plupart du genre humain, pour me ralentir, histoire de ne pas dépasser le peuple, être soumis comme le bon pain, coupé en deux, couper les tronches, non, c'est les... Oui, mais quoi qu'il y a quelques tronches qui se sont coupées sous la guillotine. Ah! Non, mais moi, c'est les tranches de pain, les petites croûtes. Parce que je me suis trouvé hier. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai mangé des tranches de pain. Avec du beurre, parce que le beurre, quand tu mets du beurre, si ça passe pas, mais ça va faire glisser dans le fond de la gorge. Ça fait ça aide. Sans verre d'eau, sans verre de lait, sans verre, sans rien. Ça fond, puis ça glisse. Comme ça, t'es vivant. Je fais ça avec tout, moi. Ah oui, quand je dois prendre, un médicament, je mets du beurre. Ça passe de rien. Si je dois boire un verre d'eau, je mets du beurre. Ça passe très bien. Si je veux, je mets du beurre. Si je veux, mais je veux pas souvent parce que ça coûte cher du beurre. Moi, j'ai pas les moyens. Quoique, je préfère ça à la margarine. La margarine, c'est pour les enfants d'école, la margarine. Ils ont inventé la margarine pour les femmes, pour les filles. Les gars, là, vont faire leur marché à jouer 2 livres de beurre. Là. Les filles, maman, je vais prendre cette margarine-là. Attendez, 2% de gras, 1,5% de gras. De quoi? Tu peux du quoi? Oh, c'est pas bon. Ça, non, le cholestérol. Les viens, je tue. Là. Oh, mon Dieu. Ah, ouais, mais là, c'est les bourrelets. Oh, bon, on mange pas de margarine. Mais voyons donc, chérie, pas de beurre, pas de margarine. Non, on mange rien. De l'huile. On va prendre. Non, pas d'huile. L'huile. Lui et l'huile, ça va pas très bien. Elle. Des ailes de poulet, mon aile. Ah oh, non plus. Parce que c'est piquant, hein? C'est pas très bon pour la gorge. Les enfants, on n'aimera pas ça. Oui, mais on n'a pas d'enfants. Hein? Oui, mais il faut se préparer, hein? On n'en a pas, mais on va en avoir. Puis, c'est comme ça qu'on s'habitue à souffrir. Ben oui, mais j'en veux pas d'enfants s'il faut souffrir. On souffrira pas. On va être heureux. Regarde dans les films américains, là, états-uniens. Hein? Quand Clark Gable et Ed Byrne, Catherine Ed Byrne ont des enfants, ils sont heureux, ça rigole. Ben non, ça pleure, ça crie. Ben oui, mais ça, c'est au début. Les coliques passent. Ben à 18 ans, il y a encore des coliques, ça crie. Papa, je veux avoir de l'argent. Mais je veux pas d'argent, je veux de l'argent. Tu veux pas leur en donner? Va travailler, mon petit enfant. Vole de tes propres ailes. Ils comptent sur toi jusqu'à la fin de tes jours. Ils t'épluchent. Puis là. C'est des enfants téflons. Ah, mon doux Seigneur. Puis là, quand tu tiens à leur inculquer la droiture, ils sont tous mous. Hein? Ça glisse comme du beurre. Quoique, on n'a pas besoin de s'en acheter. Nos ados sont comme ça. Pas tout le monde. Dans la majorité. Non, c'est vrai, mais ça l'a mis... Attends. Attends-toi. Parce que je veux que les gens s'attendent à t'écouter. Et lorsque je fais ça en blague, là, je sais très bien que c'est une minorité, mais malheureusement, on ne voit que la minorité. Elle est bien visible à l'œil nu. Et maintenant, nous allons entendre M. Soulier que nous allons rencontrer en 2013 parce qu'Errance Renaldine était là à Paris en 2012. Et j'ai eu la chance de discuter avec lui. Et là, c'est un avant-goût. Écoutez bien ça, c'est bon. Bon comme du beurre. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3:30 pour plaire aux ados. 3:30 pour plaire aux radios. 3:30 clignote dans mon crâne, c'est ICO. 3:30, c'est l'heure où je rentre. 3:30, c'est le temps sur ton ventre. 3:30, c'est statistique, sauf si on se concentre. Ainsi, 3:30 pour te rendre heureuse. Donc, 3:30, glorieuse. 3:30, comme 3 tours et demi de trotteuse. 3:30, de chez moi à Paris. 3:30, un jour au compteur de ma Ferrari. 3:30, mais ça ne plairait pas à Nicolas et Carla, je sais plus qui. 3:30 pour te dire je suis à genoux. 3:30 pour te dire je n'ai plus un sou. 3:30 pour dire je pense bien à vous. 210 secondes pour changer le monde. 210 secondes sans haine et sans bombe. 210 secondes, juste 210 secondes. 3, c'est dans l'aube. Et 30 en Italie. 3:30 serait-ce de la daube. Non, vous relirez Saint-Jean. 3:30, c'est très joli. 3:30 pour vous amener dans mon monde. 3:30 pour se balader jusqu'à Londres. Mais 2:30, puisqu'un jet lag de 3600 secondes. 3:30 pour dire je vais vous plaire. 3:30 c'est un premier, je vais me refaire. En 2:03 j'ai dit 3:30 en 22 exemplaires. 3:30 pour que la SACEM me paye une rente. Et 3:30 pour que ma maman soit contente. 3:30 multiplié par 100 000 ventes. 3:30 comme Bob Dylan, Elvis et les Beatles. 3:30 comme Oasis, le Clash, les Buggles. 3:30 pas comme Pink Floyd dans Pulse. 210 secondes pour changer le monde. 210 secondes sans haine, sans bombe. 210 secondes, juste 210 secondes. 3:30 est toujours cette intouchable lune Ninon. 3:30 comme tout ce nouveau futur que nous chanterons. 3:30 mais pour ça faudrait une putain de bonne promotion. 3:30 pour raconter notre liaison fatale. 3:30 c'est l'editing idéal. 3:30 c'est Charles Baudelaire au centre commercial. 3:30 pour dire je suis à genoux. 3:30 pour dire je n'ai plus un sou. 3:30 pour dire je vous aime vraiment, vraiment beaucoup. 3:30 et vous augmenterez le volume. Ou 3:30 sera une œuvre posthume. Ainsi d'ici ma vie se résume en... Non, c'est très simple. Mon père s'appelle Alain et ma mère s'appelle Francine. Une fois que ma mère a accouché, ils ont proposé de scinder les deux noms. Donc de commencer par Alain et de finir par le... Ils ont travaillé fort. C'est un concept assez... À l'école, est-ce que tu te faisais agacer avec ton prénom? Oui, oui, pas mal. Oui, oui, pour qu'elle revienne. Oui, c'est milieu des années 70. Oui, donc, oui, oui. Oui, oui. Et non, c'était pas pour ça. Mais c'est une belle chanson. D'ailleurs, Christophe est un... C'est ton préféré? Non, mais c'est un bon chanteur de variété française. Les mots bleus, il est assez intéressant. Il y a des réalisateurs qui ont fait des films sur lui, d'ailleurs. Un film, comment il s'appelle? Xavier Giannoli, quand j'étais chanteur, avec qui j'ai tourné d'ailleurs. Avec Gérard Depardieu? Non, avec Xavier Giannoli comme réalisateur. J'ai tourné dans quel film? Dans la publicité où je fais Marie-Antoinette. C'est lui qui réalisait ça, ouais. Et il a fait jouer Christophe, qu'il aime beaucoup. Oui. Non, et Christophe a des textes intéressants. Tu le connais? Oui, je connais Christophe. Il a repris, même Alain Bachelet, il a repris les mots bleus. Ah oui, c'est extraordinaire. Oui, je connais Christophe, je l'ai vu à Montréal à la carte blanche d'Alain Vachon. Il était invité avec Alain Vachon, il y avait Chloé Manche, son épouse. Il y avait Christophe, il y avait personne, aussi pas de personne, qui est un guitariste assez exceptionnel. Et il y avait comment il s'appelle? Celui avec plein de avec des tatous. Daniel Darc. Voilà, ils étaient là. Alors c'est une très belle prochaine. Hein. Est-ce que ça rejoint un peu la musique que tu écoutes? Écoute, je suis assez hétéroclite. Hein. Ok. Je suis assez hétéroclite. Et c'est des gens que qui t'ont aucun problème. Non. Contrairement à Céline Dion. Ouais, j'écoute pas trop. C'est vrai, Céline Dion. Moi non plus. J'écoute pas moi trop jamais. Spécialement. Et donc toi alors, est-ce que c'est fini ou pas? Oui, Aline, merci. Donc je peux te poser des questions? Ah ben oui, allons-y. Oui. Donc moi j'ai vu effectivement, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux. Oui, ok. Et donc tu fais une émission de radio, alors comment? Viens t'endormir dans la photo de ma classe. Nous nous réveillerons quand ils seront tous morts. C'est l'heure merveilleuse où la lumière se fait silence. Et la nuit comme une amoureuse garde pour elle quelques fragrances. C'est cette fille qui tient sa main comme on tiendrait une cigarette. Sous ce néon qui brille à rien, qui prie pour que plus rien n'arrête. Le jour et le noir. Le jour et le noir. Le ciel ou le trottoir. Sur tous les passages piétons, comme une moisson bienheureuse, comme une dernière saison. Sonne l'heure du champ des possibles, comme ce monsieur qui ferme le parc à ses milliers de cœurs de cible. Et dire que personne ne remarque le jour et le noir. Le jour et le noir. costume comme prêt à être enterré sous les plus grands capitaux du monde. Ils ont jonglé d'or et d'enfants. Qu'importe où retombent les bombes, ils pressent le pas vers le néant. Le jour et le noir. Le jour et le noir. Les clodos, les cigares. Elle est heureuse, loin de moi, dis à quoi tu penses. Sauve-moi, sauve-toi, dit la lune à ce néon qui brille enfin. Et cette fille qui ne tient à rien, qui demande, reverrai-je demain. Le jour et le noir. Le jour et le noir. Oublier ou revoir. Le jour et le noir. Le jour et le noir. Nous nous réveillerons quand ils seront tous morts. Viens t'endormir dans la photo de ma classe. Nous nous réveillerons quand ils seront tous morts. Le dérèglement du genre humain. Et il y a beaucoup à dire. Hein. Donc ça fait 7 ans et demi que je fais ça et j'ai même pas. J'ai rien visité encore. Et je me surprends quelquefois de regarder des numéros et de dire ah ben ça, je suis allé. Mais j'essaie de jamais refaire la même chose. Et bien ça c'est facile parce que et c'est. Tu connais Striptease? Oui, ben ça c'est une vieille émission des années 85-86. Écoute, ça va, oui, ça a facilement crois que c'est à 20 ans. Et qui était présenté à TV5 à l'époque, aujourd'hui on n'a plus accès. Toi, tu peux plus le voir, ça? Non, non. Alors, ici, t'as Internet? Oui. Parce que là, en fait, maintenant, ils diffusent les épisodes... Ah oui, tu peux voir sur Internet, mais c'est pas diffusé sur TV5, que je l'ai su sur... Maintenant, c'est des épisodes qui durent 53 minutes, et c'est diffusé une fois par semaine, et ça commence, ça a commencé lundi, et c'est tout l'été. Okay. Donc si tu vois, sur, c'est France 3. Mais est-ce que c'est des nouvelles émissions ou des anciennes émissions? Ah oui, mais c'est nouveau. Okay. Ils ont tourné, ils ont remixé, ils ont... Non, ça continue. Et ce qui est... même moi, il y en a que j'ai acheté en collector, parce qu'ils ont suivi, ils ont fait des espèces de sagas sur des personnages qu'ils ont suivis, notamment une Française d'origine modeste, de Lille, lilloise, qui a rencontré un riche chirurgien américain, ici à Paris, son prince charmant, qui s'est installé là-bas avec lui et qui a maintenant vit une vie de parfaite américaine, nantie, etc. Et ils ont suivi c'est un personnage extraordinaire, hein, avec tout, hein. Ils ont suivi, sans que ce n'est réalisatrice, pendant quelques épisodes. Et donc tous les des Français qui sont vivent aux États-Unis, des restaurateurs, etc. Tout un milieu de Français qui sont... Alors la ville, c'est une grande ville, ça me reviendra. La ville natale de Madonna, c'est laquelle, hein? Non, mais la ville où elle a grandi aux États-Unis, c'est... Je sais plus maintenant. En tout cas, ouais, peu importe. Et là, donc, ils reviennent avec des nouvelles émissions. Et là, le premier sujet, c'était les jeunes agriculteurs, les agriculteurs qui ne trouvent pas de femmes. Ah, de femmes? Ah, oui, ok. J'en entends. Tu as parlé? Oui, France Inter en a parlé. Et donc, ils font appel à une agence, etc. Et c'est des jeunes filles de l'Est qui viennent. Écoute, ça m'a... Donc, si tu as l'occasion de regarder cet épisode... Mais eux, ils font un travail. Moi, je suis fan. Je suis vraiment fan de leur travail. Il y a eu des moments où je me suis sentie mal à l'aise de regarder ça. Mais ils ont un œil. Laisse-moi te dire, il y a des pépites, des petites, des grosses pépites, ça se promène tout partout. Ouch! N'en veux une dans le cou. Laisse-moi te dire, il y a des moments, ça m'énerve tellement, je m'arrache les cheveux. Oh, que je suis malheureux! Il y a des jours, crois-moi, où rien ne va. Les pépites, ils sont partout. Oui, sur la plage ou en pique-nique, elles ne veulent que faire pique. Laisse-moi te dire, on se fait manger jusqu'au bout des souliers par les moustiques, les abeilles. Oh, ça m'exaspère. Oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo, bouge. Antoine, mon chat. Ouch, ouch. Ah, ah, j'aime pas les mouches. Ah, mais c'est une guerre. Ah, je suis presbyte, jouer grosse, les petites bébites. Oh! Oh, celle-là, oh, c'est une grosse. Ish. Il y a des jours, crois-moi, où rien ne va. Les bébites, ils sont partout. Oui, sur la plage ou en pique-nique, elles ne veulent que faire pique. Laisse-moi te dire, il y a des pépites, des petites, des grosses pépites, ça se promène tout partout. Oh, je suis piqué partout. Oh, je veux des pépites, ces murs, ces plafonds, ces boiseries. Oh, mon Dieu, les pépites. Oh. Yeah! C'est des Belges, hein? Oui, effectivement. Ouais, enfin, c'est pas critique, j'en sais rien, mais... Éclairé. Oui, ils font sans pareil. Censure. Ils font pas n'importe quoi. Non, c'est vrai. Puis il n'y a pas de censure. On s'entend là-dessus. C'est tout à fait la réalité. Ouais. Hey, je vais te laisser ma carte. Ben oui, avec plaisir. Donc à l'année prochaine, alors d'ici là, sur les ondes et sur le net, c'est ça? Et j'espère te voir sur scène l'année prochaine. Ouais. Merci. Merci à toi d'être venu. C'est génial. Puis, écoute, je vais t'envoyer le lien de l'émission. Je vais t'envoyer le lien sans coupure. OK? Donc, l'intégralité de notre rencontre jusqu'à maintenant. Alors? Ah oui, d'accord. OK? Et tu en fais ce que tu veux. Et lorsque tu seras diffusé à mon émission, dans le cadre du 120 minutes, alors c'est 3 fois 120 minutes. OK? Alors, et là, tu me le diras? Je vais t'envoyer l'émission, l'intégralité de l'émission de 2 heures. Durant 3 semaines, tu seras l'invité de mon émission. Et donc, tu verras de quoi il en est dans l'environnement de tolérance canadienne. Donc, comment ça va se passer, ton truc? Moi, je ne sais pas, là, c'est l'improvisation. Mais ce que je fais ici, là, c'est le moment le plus sérieux. C'est pour que le public se dise, il n'est pas totalement taré. Il y a quelque chose de sérieux et de compréhensible. Après, plus rien de tir. Mais j'étais bien content de voir que tu as répondu. Et écoute, on se retrouve. Tout le plaisir était pour moi. Tu es très gentil. Puis on se retrouve sur scène. Toi sur scène, pas moi, toi sur scène. Ah oui, oui. Pour Marilyn, peut-être. Dès que possible. Vraiment. Quoi, tu connais prochain, ce sera en bois. Oui, mais moi, c'est plutôt sur mai. Hein. Tu seras peut-être pas. Si, toi, c'est fin juin que tu viens. Oui, juin. Je crois que c'est plutôt mai. Okay. Ce qui est prévu pour le mois de mai. Alors, ce sera présenté combien de temps? Un mois? Oui, ça dure, c'est un mois, ouais. Ouais. Et après, tu veux faire une tournée? Ben, il faut voir comment c'est reçu au niveau du public. Okay. Et après, il faut créer un vrai spectacle. C'est beaucoup de travail. Hein? Alors, je vais te laisser à tes occupations. Merci. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.